je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue dans Ludologie, on se retrouve pour ce nouveau numéro de la saison 4, on doit être, je n'ai même plus de compte, je crois qu'on est au numéro 54, mais bon, vous verrez bien vous-même. En tout état de cause, on est toujours là pour parler de jeux, jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, toute forme de jeu dans un contexte social, sociologique on va dire. Et aujourd'hui, je suis avec des gens face à qui il ne faut pas parler trop fort, car sinon ils disent « chut ». Ce sont des bibliothécaires. Je suis à la bibliothèque Louise Michel en compagnie de Quentin Le Guével et Rémi Nouven, deux bibliothécaires donc, ici, qui vont nous parler de la place du jeu dans les bibliothèques, car à Louise Michel, le jeu a une place relativement importante. Quentin et Rémi, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, en premier lieu, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour nos auditeurs ? Alors, j'hésite, car je préfère dire chute aux gens que dire mon prénom. Sinon, ça met déjà tout de suite une forme de proximité avec les gens qui pourraient leur laisser penser qu'on est amis. Non, mais là, ça va. C'est très antagoniste. Là, ça va, c'est les auditeurs du podcast, c'est pas les visiteurs de la bibliothèque, donc tu peux y aller. Alors, je m'appelle Quentin Le Guével, donc je suis bibliothécaire. Je m'occupe à la bibliothèque Louise Michel de ce qu'on fait autour du jeu, autour de la médiation des publics et des associations du quartier. Et mon collègue Rémi. Donc moi c'est Rémi Nouven, dont je travaille également sur le jeu, sur les rapports avec les associations du quartier, les publics éloignés, c'est-à-dire les publics qui ont des handicaps particuliers ou qui sont en phase d'apprentissage du français, etc. Des gens qui n'ont pas forcément accès à la bibliothèque. Et je travaille aussi sur la section jeunesse, donc autour des activités mais des collections aussi. Alors la première question que j'aurais à poser, peut-être qu'elle s'adressera peut-être plus à Quentin, je ne sais pas, c'est tout simplement pourquoi on met des jeux en bibliothèque ? Parce que moi, je croyais qu'à la base, c'était un endroit où on mettait plutôt des livres. Alors, donc celle-là, c'est la piège parce que c'est ta première, mais ça va être celle qui vaut toutes les autres. Déjà parce que... J'avais prévu de poser qu'une seule question pour toute cette interview. D'accord, bon, on va prendre 30 minutes chacun pour celle-là. Alors moi, je pense qu'il y a trois points importants. Parce que j'aime beaucoup avoir une dialectique en trois points. Plus sérieusement, on met des jeux pour trois raisons. Parce que la première, c'est que c'est un produit culturel comme les autres, et qu'une bibliothèque, c'est moins un lieu qui serait un temple des livres que simplement un endroit de la culture sous toutes ses formes, et que maintenant ça devient étrange de continuer à dire que les jeux, c'est une espèce de truc bizarre pour des geeks de cave et pas un peu anti notre culture. Ensuite, parce que la bibliothèque, en tout cas à Louise Michel, mais ça se démocratise partout, ça tend de plus en plus à être un lieu convivial. Nous, il y a un concept auquel on tient, c'est qu'on est un troisième lieu. Et le troisième lieu, c'est le premier, c'est le foyer, le deuxième, c'est le travail, et le troisième, c'est le lieu social. C'est un bar, mais ça peut aussi être une bibliothèque. Et que les jeux, c'est quand même un truc vachement bien pour la convivialité. Et en troisième, parce que j'ai dit qu'il y en a trois en plus, et j'en avais vraiment un troisième en tête avant de me lancer là-dedans. Je vais laisser Rémi l'expliquer. Merci. Donc ça va, j'avais le troisième dans la poche. Le jeu, c'est aussi, comme disait Quentin, un médium qui permet beaucoup de convivialité et aussi d'échange, que ce soit avec les enfants, parce que c'est une occupation qui leur plaît, c'est assez naturel pour eux de jouer. Donc c'est une pratique qu'ils veulent avoir également à la bibliothèque, parce que beaucoup d'enfants viennent à la bibliothèque, seuls ou accompagnés, passer beaucoup de temps. Donc voilà, c'est une activité à faire ici. Mais le jeu, on s'en sert également. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de publics qui sont non francophones ou en apprentissage du français. C'est aussi un excellent médium pour tisser du lien, pour avoir une pratique du français avec eux ou avec d'autres associations, etc. Donc c'est un outil également qu'on utilise à plein de sauces différentes. Et puis c'est fun. Ouais, le troisième, je voulais aussi revenir sur « et puis c'est fun ». Et puis Rémi conclut le truc fun sans me laisser funiser. Il y avait un autre truc que je trouvais important avec « pourquoi du jeu en bibliothèque ?» C'est que une bibliothèque, mais n'importe quel lieu culturel où il n'y aurait que la culture des bibliothécaires ou des gens qui sont convaincus que la culture c'est un truc extrêmement restreint, qui serait la culture d'antan et qui est un truc qu'on devrait préserver, c'est des gens qui ont en fait pas tellement envie d'inclure des gens qui viendraient pas forcément de ce milieu et de la partager. Et si jamais on rentre dans un endroit culturel et que toute la culture qu'on y trouve c'est celle des autres, c'est celle de gens qui par exemple nous oppressaient avec à l'école ou ce genre de choses, déjà on comprend tout de suite que c'est pas un lieu pour nous. D'autant plus qu'une bibliothèque devrait vraiment y se penser comme un lieu qui sert aux gens qui ont eu un accès difficile à la culture ou pas d'accès à la culture. Et parfois c'est un peu quand même craché à la gueule des gens quand on leur fait bien comprendre dès qu'ils passent le portique que il n'y a pas un seul élément dans la bibliothèque qui pourrait se référer de près ou de loin à une culture qu'ils ont vécue. Et bah, du coup, si je peux juste rajouter, par extension, ça vaut aussi pour le jeu, justement, où bah, là aussi, il faut faire attention à ne pas mettre en valeur que certains types de jeux. Voilà, alors j'ai plein de questions là-dessus aussi. Ouais. On va y revenir. J'en ai quand même une, parce que moi, je croyais que l'endroit où on mettait des jeux, ça s'appelait des ludothèques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, malheureusement, la vie des ludothèques est très difficile en France à l'heure actuelle. Pour beaucoup, c'était quand même géré par le milieu associatif, par des structures dans des situations financières un petit peu compliquées. Donc malheureusement, ben, beaucoup de ludothèques ferment et par extension, la bibliothèque reste un endroit qui peut s'en rapprocher. Du coup, vous avez dit qu'il y avait un créneau à prendre. Quoi. Du coup, on a complètement pris le créneau. Mais malheureusement, bah, le cas s'est vu pour la création de notre fonds de jeu ici à Louise Michel, qui s'est en partie fait sur les cendres encore fumantes d'une ludothèque qui fermait malheureusement et qui cherchait donc des structures qui pourraient accueillir leurs jeux et continuer un petit peu leur mission. Donc voilà. Donc on voit émerger de plus en plus de jeux en bibliothèque, notamment parce qu'il y a clairement un manque sur ce domaine-là. Alors justement, tu évoquais le fait de structurer des fonds. J'imagine que lancer du jeu en bibliothèque, ça demande de commencer par plus qu'une seule référence. Moi, j'avais suivi sur Internet, Quentin, le travail que tu avais effectué pour développer un fonds JDR, donc jeu de rôle à Louise Michel, qui je pense doit être un des premiers fonds, en tout cas c'est le premier fonds dont j'entends parler de jeu de rôle en bibliothèque un tant soit peu développé. Ça marche comment ? Ça pose quel problème spécifique quand on veut mettre du jeu, de façon générale, hein, pas que jeu de rôle, mais du jeu dans des bibliothèques ? Juste pour commencer, je préfère pas prétendre qu'on est les premiers à avoir du jeu de rôle. Vous êtes les premiers dont j'ai entendu parler. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est ce qui me fait plaisir. Je pense qu'il y a un truc important quand on fait du jeu. Déjà, il faut essayer de tuer tout de suite, dans notre tête en tout cas, de bibliothécaires qui mettons ça en place, le facteur cool. Le truc qui ferait nous dire qu'il ne faut pas traiter ça avec nos outils critiques de bibliothécaire ou considérer ça comme un truc un peu spécifique et bizarre qu'il faudrait attaquer différemment du reste. Je vois en plus, parfois, on pourrait penser le faire pour de bonnes raisons. Alors qu'en général, mais si on creuse derrière, on se rendra compte au final que c'est parce qu'on ne considère pas le truc aussi légitime que les autres et que donc on ne prendra pas la peine de faire le même travail de veille, de critique, de créer des fiches domaines et ainsi de suite qui sont tous les outils de bibliothécaires qui permettent de traiter les fonds de manière courante. Donc déjà, je pense, pour bien faire notre truc, il faut tuer le fun. Je veux dire, le fun, on l'aura après, bien sûr, mais faut pas se laisser appâter un peu par le côté « le jeu, c'est fun » et ça s'arrête là. Sinon, on peut tomber un peu dans des pièges comme faire du jeu simplement parce que ce serait un appel d'offres pour aller vers du livre et voilà, et pas considérer que le truc serait un produit culturel aussi légitime que les autres qui demande donc le même travail derrière. Il y a eu des spécificités bien sûr, notamment avec le jeu de rôle, ce qui a été très compliqué, c'est des trucs tout bêtes en fait. Par exemple, il y a des livres de jeu de rôle qui n'ont pas d'ISBN. Donc ça, dans notre... Non, mais voilà. Vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais je baisse penaudement la tête parce que c'est vrai pour les miens, notamment. Et en fait, ça nous rend hyper dur parce que ça nous empêche de traiter les livres. Je vais pas les gros yeux en vrai parce que je fais jamais les gros yeux, mais écoutez mes gros yeux dans le micro, du coup. Mais du coup, ça nous rend très difficile le travail parce que tous nos outils qui sont hyper formalisés ont besoin que les jeux le soient aussi. Donc il y a des livres qui n'ont pas d'ISBN, il y en a qui n'ont pas de dépôt légal. Je parle un langage peut-être très bibliothécaire, mais en tout cas... C'est bien, ça parlera aux bibliothécaires parmi nos auditeurs. Ouais. Mais du coup, nous, ça nous rend les jeux très difficilement exploitables. Ou en tout cas, faut faire des petits ronds de jambes, quoi. Et derrière, il y a les problématiques de les jeux qui sont en 37 livrets différents, tous sur feuilles volantes, et où il faut réimprimer le jeu à chaque fois, ce genre de choses. Mais après, tout ça, c'est des spécificités qu'on trouvera aussi dans d'autres médiums. par exemple. Et le plus important au final, c'est vraiment, je pense, de s'astreindre à se dire si mon fond de jeu de rôle n'était pas un fond de jeu de rôle, mais que c'était un fond sur la littérature perse du 15e siècle, est-ce que je ferais différemment ou pas ? Vous n'avez pas que du jeu de rôle, Aloïse Michel, vous avez aussi du jeu vidéo et du jeu de société. C'est quoi les problèmes spécifiques pour ces médiums ? Je propose qu'on commence d'abord par le jeu de société, on viendra au jeu vidéo qui, je pense, a aussi ces problématiques particulières. En fait, la logique, elle est la même pour le jeu de société. L'idée... Il y a plein de pièces souvent dans le jeu de société. Ouais, on va avoir ces problèmes logistiques-là. Après, dans l'absolu, ce n'est pas vraiment ce qui va entrer en ligne de compte. On essaie de réfléchir en termes de public. Donc on travaille de manière assez soudée avec un magasin de jeux de société qui est proche de la bibliothèque, dont le patron est d'excellents conseils. Et généralement, voilà, on va le voir. Comme on ferait pour une veille sur des romans, aller voir un libraire, on va le faire pareil avec les jeux. Donc il va nous conseiller des jeux, il connaît notre public, nous on connaît notre public. Donc voilà, on va essayer de faire matcher là-dessus. Et effectivement, des fois, s'il n'y a que des petites pièces de type pointu qu'un enfant peut potentiellement avaler, parce qu'en plus elles sont en forme de bonbons, généralement on va éviter. Mais dans l'absolu, c'est rarement un vrai problème. La question, elle va être plutôt, par exemple avec Quentin, dans notre vie privée, on est assez joueurs de jeux de société, des fois assez pointus, etc. Donc souvent, on va pouvoir se dire, bon, ça, c'est des jeux qu'on adore, ça serait vachement bien de les avoir à la bibliothèque. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la plus grande partie de notre public qui joue, ça va être des enfants de 5 à 12 ans et que leur jeu de prédilection, ça va être souvent la bataille, le Uno, le Double, des jeux comme ça. Et qui sont complètement légitimes. Donc voilà, à chaque fois, c'est partir de jeux qui vont plaire à notre public. Ensuite, on va pouvoir aussi mettre d'autres choses qu'on va leur présenter, mais on garde la même logique qu'on va avoir sur le reste des collections en réalité. Et alors du coup, on va revenir sur le jeu vidéo, parce que là, il y a des problèmes spécifiques qui se posent aussi. Quentin, je sais que tu t'intéresses aux jeux mobiles notamment. J'imagine que quand on prête des livres, on peut prêter les livres. Quand on prête un jeu mobile, on ne prête pas nécessairement le téléphone qui va avec. Ça se passe comment ? Ouais, malheureusement. Nous, on ne fait pas de prêt de jeux vidéo. Aussi parce que ça pose tant de problèmes légaux de faire du prêt de jeu auquel on est confronté et malheureusement avec des barrières quasi indépassables de notre côté. Pas de prêt de jeu vidéo, malheureusement. Ça peut-être un jour la législation évoluera dans un sens ou dans l'autre qui me permettra de le faire, mais jusque-là, non. Après, tu parlais de problèmes plus spécifiques qu'on pourrait croiser. Avec le jeu vidéo, je pense qu'il y a le côté où... Moi, le premier truc auquel j'ai dû faire face, un truc très personnel, c'est mon côté geek, en fait. Parce qu'on est, très, très, très, très mauvais quand on laisse sortir son côté geek plutôt que son côté bibliothécaire et qu'on fait du jeu vidéo. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le facteur cool. Mais en fait, tout le monde s'en fout de si t'es doué avec... si t'es bon au jeu vidéo ou tu connais le catalogue de la Xbox par cœur ou voilà. Par contre, l'important avec les jeux vidéo, c'est de réussir à animer, en fait, à faire de l'animation, de la mise en jeu, savoir comment faire comprendre à quelqu'un en 20 secondes comment jouer. Et derrière, ça va être aussi de se poser des questions, à mon avis, de plus en plus importantes, pas que avec le jeu vidéo d'ailleurs, sur la représentation du public. Est-ce qu'on a quelque chose, des sessions de jeu, où des filles peuvent se sentir à l'aise, par exemple ? Où on peut faire se rencontrer des classes sociales qui ne sont pas les mêmes ? Bref, ça me semble être pour le coup des problématiques au final bien plus intéressantes que est-ce que tu as fini le dernier Demon's Souls ou ce genre de choses. Alors justement, les types de jeux... tout format confondu, comment vous les choisissez, vous j'imagine que quand on fait dans la partie bibliothèque, on peut avoir repéré des auteurs, on peut avoir repéré des séries en jeu. Est-ce qu'on travaille aussi avec ce genre de considération en disant tiens, le dernier jeu de tel créateur il était bien, ou de tel studio dans le cas de jeux vidéo, donc je vais suivre et essayer d'éditorialiser aussi comme ça dans le temps mon fond. Oui, ça peut aussi se passer comme ça. Mais on va vraiment le principal raisonnement va être est-ce que ça va correspondre à une attente de notre public et comment on va l'animer, notamment pour le jeu vidéo, parce que chez nous le jeu vidéo ne se fait pas en accès libre, c'est vraiment sur des temps d'animation, donc généralement une fois par semaine grosso modo, une fois toutes les deux semaines selon. Voilà, on a des temps d'animation autour du jeu vidéo et donc on va vraiment raisonner sur ces temps-là, savoir si c'est un jeu qui va rentrer dans ce temps-là, si on va pouvoir le faire à plusieurs. Donc évidemment, on va quand même vraiment privilégier les jeux pour plusieurs personnes, qui vont être fun, assez accessibles, qui vont pouvoir, comme disait Quentin, toucher des publics assez larges, tout en restant vraiment, vraiment intéressant d'un point de vue ludique. Et voilà. Mais effectivement, quand on suit généralement un studio qui va avoir fait un jeu excellent en multijoueur, tout ça, on va garder un œil dessus pour la prochaine sortie. Et j'y pense aussi, je pense qu'avec les jeux vidéo, un des vrais critères, qui existe vachement moins d'ailleurs avec le jeu de société, pas avec le jeu de rôle associé à des abominations dont je ne connais pas le nom, c'est qu'un jeu vidéo, il faut que ce soit un jeu. C'est-à-dire que penser qu'une bibliothèque, puisqu'elle fait du jeu vidéo, il faut que ce soit du ludo-éducatif horrible, où on invite des gamins en faisant croire que ça va être un jeu, et où derrière ils font des additions sur une application horrible, et que derrière l'idée c'est qu'ils empruntent des bouquins de maths, c'est vraiment tuer le truc. Et là-dessus, pour nous, un des intérêts du jeu, c'est que ce soit un jeu, que ce soit fun, qu'on s'amuse, et pas qu'on se serve de ça comme une espèce de raccourci débile pour faire passer de la connaissance qui ne passera de toute façon pas par ce biais-là. Justement, toujours sur le jeu vidéo, j'imagine qu'un critère aussi, c'est les supports, puisque je ne sais pas quel est... Enfin, pour le coup, en jeu vidéo, c'est un enjeu aussi. Vous avez une collection de consoles, c'est des jeux PC, c'est des jeux mobiles, comment ça se passe ? Alors, on a toutes les deux dernières générations de consoles, avec quelques consoles mobiles, notamment la Switch, mais on a aussi quelques 3DS qui traînent. On n'a pas du tout de jeu ordinateur parce que c'est l'horreur sur les ordinateurs de la bibliothèque. On a des tablettes sur lesquelles on fait de plus en plus de jeux aussi. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que là où sur les consoles, du coup, avec une petite exception pour la Switch, mais on est sinon assez bloqué en fait sur des espaces qui doivent être relativement dimensionnés pour accueillir le truc. Là où je trouve ça vachement intéressant de plus en plus de prendre par exemple une tablette, de la descendre en bas, de mettre un jeu au milieu même du tapis des tout petits et de les faire jouer à des petits puzzles sur tablette comme ça au débeauté. Donc le vrai questionnement autour de console, PC et tout, je pense que c'est moins un questionnement très quelle est la meilleure console pour faire du jeu entre 8-12, plutôt Nintendo, plutôt Sony, choisis ton camp camarade. C'est plutôt est-ce que c'est quelque chose qui nécessite d'avoir un espace dédié ou pas. Et que nous, à la bibliothèque, c'est vachement cool du coup d'avoir des tablettes par exemple comme ça pour créer un peu des moments de jeu au débeauté. Après, si juste je peux rajouter pour des bibliothèques qui seraient intéressées pour mettre du jeu vidéo en bibliothèque, nous, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir justement avoir des budgets qui nous permettent d'acheter toutes les consoles. Ça ne sera pas forcément le cas partout, donc c'est effectivement des questions qu'il faut aussi se poser et qui rejoignent ce que disait Quentin sur les espaces, comment on va l'animer. Il y a toute une logistique quand même derrière qui est assez qu'il faut prendre en compte. Et pareil, qui va rejoindre le fait de... Alors peut-être que c'était une question que tu allais poser ensuite, mais sur la formation des collègues, exactement. Parce que ça s'applique aussi pour le jeu de société. L'idée, c'est faut savoir animer les jeux. Sur une console, il faut savoir brancher la console, l'allumer, tout ça. En fait, si on n'a pas la console chez soi et qu'on n'a pas appris à le faire, ce n'est pas évident. Donc il y a aussi tout un rôle à former, sensibiliser au moins les collègues. Pour ceux que ça pourrait être intéressé d'animer des séances, et puis ne serait-ce que pour travailler sur justement la place du jeu, la légitimité, le fait que ça demande aussi des compétences techniques, etc., et que tout le monde peut les acquérir a priori. Alors je vais revenir sur la médiation, mais avant tu avais évoqué tout à l'heure, Rémi, les types de publics, notamment surtout du 5-12 ans, si j'ai bien compris. Le jeu, c'est encore un truc de gamin à la bibliothèque ? Non, dans la pratique quotidienne, enfin je dis non mais oui en fait, dans la pratique quotidienne c'est oui, au quotidien on a vraiment les enfants qui viennent à la bibliothèque, qui jouent à leur jeu, les enfants qui jouent à leur jeu donc à la bibliothèque tous les jours, et des fois avec leurs parents, mais là on reste vraiment quand même sur de la pratique enfance. Après on essaie de mettre en place des temps sur des jeux dédiés aux plus grands aussi. Donc que ce soit des soirées dédiées aux jeux de société et de manière régulière maintenant depuis quelques mois des soirées dédiées aux jeux de rôle. Donc là peut-être je vais laisser Quentin en retoucher un mot parce que c'est l'initiateur. Waouh. Oui, donc non, du jeu pour tous, même si après la bibliothèque, on est aussi dans un quartier. Et Rémi parlait tout à l'heure du fait que pour faire du jeu, il faut s'intéresser d'abord au public. Et nous, dans un quartier où il y a énormément par exemple, d'enfants qui viennent, dont on ne verra pour ainsi dire jamais les parents. Et c'est vachement important pour nous aussi de leur proposer quelque chose et pas de considérer qu'un enfant, bah, il pourrait pas jouer alors que c'est lui à 90% notre public. Après, nous, on est vachement attachés quand même à avoir du jeu pour les grands. Aussi parce que c'est une pratique qui nous plaît vachement en tant que personne, mais parce que c'est quelque chose qui nous semble intéressant à valoriser en bibliothèque. Donc oui, on fait des soirées jeux de rôle. Pareil même, Manuel, que t'es invité. Il paraît. Désolé. Avec une bonne périodicité d'une par mois maintenant. Et là-dessus, on est assez ravis de voir qu'on a pas mal d'acteurs du quartier qui nous rejoignent, que ce soit des associations de jeux de rôle ou même des gens dont c'était pas forcément l'univers et qui se sont laissés tenter parce que ils passaient devant, il y avait de la lumière, on a été gentils et puis il y avait des chips. Et de réussir ça à fédérer. Ça fait des chips hein, quand même. Ça joue vachement. Non, ça joue vachement. Et réussir à fédérer autour d'une bibliothèque une communauté de rôlistes, alors qu'on pourrait penser que l'un est l'antithèse de l'autre, avec d'un côté l'espèce de temple culturel du savoir hyper élitiste, et de l'autre ce qui serait le cliché du rôliste de cave qui ne voit jamais la lumière, bah, ça me fait vachement plaisir du coup d'essayer de tuer les deux clichés dans l'œuf. Ou dans le chips. Et alors du coup justement quand on monte un fonds de jeu de rôle en dehors des soirées, hein, quand on monte un fonds de jeu de rôle dans une bibliothèque, a priori le jeu de rôle c'est plutôt une pratique ludique ado-adulte, donc pas exactement la tranche des 5-12 ans, c'est quel public est-ce que, parce que j'imagine qu'en jeu de rôle vous avez peut-être de l'emprunt, ce que vous pouvez pas avoir en jeu de société ou en jeu vidéo? Alors on a de l'emprunt sur le jeu de rôle, même si ça reste très marginal. Après je pense que l'intérêt de ce fonds c'est pas nécessairement d'être emprunté. Il y aura des documents qui seront empruntés, je pense qu'il y a des petits jeux amateurs, un truc Summer Camp par exemple. Arrêtez de me passer la brosse à reluire les gars. Mais non, je pense que l'intérêt de l'ancrage physique du jeu empruntable c'est surtout d'annoncer qu'il est là, qu'il est légitime et de dire bah servez-vous et puis posez-vous sur une table à côté, nous on trouve ça cool. Après moi j'ai fait 5 parties déjà de jeu de rôle avec des enfants de la bibliothèque. Sur un truc maison totalement avec un pauvre D6 à lancer de temps en temps et je m'attendais à un truc vraiment un peu à l'arrache et laborieux parce que j'avais jamais fait de jeu de rôle pour un enfant entre 8 et 10 ans donc j'étais parti avec mon petit scénario des gens kidnappés dans la forêt Medfan qu'il faut aller récupérer et alors que je demande les noms des personnages et que je m'attends à voir Naruto 66 Killer et puis Zozo du 78 et que le premier enfant qui a 10 ans m'annonce qu'il est Irwindil, fils d'Irundel, mais on peut aussi l'appeler la Flèche d'Argent, parce que son père est le roi des Rangers. En fait, j'ai compris que ça pouvait marcher très bien. Donc non, je suis en fait assez convaincu maintenant qu'on peut faire du jeu de rôle pour tous les âges, avec tous les âges. Peut-être qu'il faut quand même être très conscient de ce qu'on fait avec qui, mais ça, comme tous les autres médiums, après tout. Alors... Rémi, tu parlais de la médiation tout à l'heure, et du coup, je vais revenir vers toi. J'imagine qu'on n'envoie pas n'importe qui au casse-pipe pour animer une partie de jeu de rôle avec des enfants de 10 ans. Non, bon, on envoie Quentin. Clairement. De façon générale, quand tu parlais de former les collègues, j'imagine qu'il y a aussi une formation à la transmission, mais aussi à la pratique même des jeux. Je ne sais pas quel est le niveau de pratique des bibliothécaires de façon générale. Oui, tout à fait. Alors, on est un petit groupe dans l'équipe à jouer, en tout cas à animer l'espace jeu, alors là du coup de manière plus générale que le jeu de rôle, hein, mais tout l'espace qui est dédié au jeu à la bibliothèque. Donc on est 4-5 personnes. Et l'idée c'est assez régulièrement quand on peut, on propose des matinées de découverte de jeux de société ou des beautés. On prend les collègues qui sont présents, on les force à s'asseoir autour d'une table et à jouer au dernier jeu qu'on a acheté. Ce qui leur permet de découvrir un petit peu, de savoir un petit peu ce qu'il y a, et ce qui va peut-être, au fur et à mesure, donner envie à certains d'animer cet espace. En tout cas, ça donne à certains collègues qui sont OK pour animer cet espace, mais qui, bah, par manque de temps, manque de pratique, ne connaissent pas forcément les jeux, d'avoir des moments vraiment dédiés où ils vont pouvoir apprendre des jeux, ce qui va leur donner des billes pour jouer avec les enfants ou avec d'autres publics. Là encore, en fait, de la même manière qu'on pourrait se présenter des livres en fonction de nos spécialités et pour avoir des ressources pour pouvoir conseiller les lecteurs, on est vraiment, vraiment en fait dans la même logique sur absolument tout. Voilà, là-dessus. Toujours sur les collègues, j'ai cru comprendre que Louise Michel était assez en tête justement sur le travail autour du jeu, en tout cas dans les bibliothèques parisiennes. Comment vous regardent les bibliothécaires des autres établissements Ne t'inquiète pas, Quentin, je te jure. On nous juge dans la rue. Non, mais c'est une question, s'il ne s'agit pas de balancer. Hein, mais c'est... Non, c'est... Quel regard on portait ? Peut-être que ça a évolué dans le temps, je ne sais pas. Alors, moi, honnêtement, jusqu'à présent, j'ai plutôt été en contact sur ces questions-là avec des collègues d'autres bibliothèques de manière plutôt positive. C'était des gens qui étaient intéressés par cette pratique. Qui sont venus nous voir, qui sont venus voir des bibliothèques où ça se faisait, qui trouvent que c'est quand même quelque chose de super, le jeu, et qui sont assez convaincus de ça et qui veulent des conseils pour quel jeu acheter, pour comment mettre ça en place, est-ce qu'on fait du prêt de jeu, est-ce qu'on reste avec les enfants, est-ce qu'on les donne. Donc voilà, il y a vraiment des choses assez, assez générales et plutôt positives. Après, forcément, il y a aussi des bibliothécaires ou des gens, une part de la profession, qui le voient d'un œil un peu plus négatif. Après, c'est des conceptions différentes, mais qui peuvent voir de manière négative. Bon, je sais pas, moi, le fait qu'il y ait... Voilà, des romans de gare, qu'il n'y ait pas que des choses... que des choses vraiment d'un haut niveau, enfin en tout cas de culture reconnue, etc. Je pense qu'on est dans les mêmes légitimités pour certains. Oui, clairement, clairement, parce qu'on n'est pas pour certaines personnes, voilà, on n'est pas un centre aéré, on n'est pas une garderie, donc c'est des choses qu'on peut entendre. Après, honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui la tendance est à au contraire multiplier les pratiques et prendre en premier lieu l'avis des publics et si les publics veulent des jeux, bah, généralement, c'est vraiment pas contraire à ce qu'on peut proposer en bibliothèque. Quentin, il me semble que d'autres bibliothèques sont en train de se lancer sur des constitutions, notamment de fonds de jeux de rôle, qui quand même, parce que le jeu de société, on en avait l'habitude en ludothèque, dans les médiathèques, on commençait déjà à avoir depuis une bonne grosse dizaine d'années un peu de jeux vidéo. Le jeu de rôle, c'est plus récent, une espèce de retour en grâce. Toi, tu as été consulté par des collègues. Comment ça se passe ? Parce que j'imagine que ton expérience, et notamment du fait que tu l'as un peu médiatisé, ça peut attiser une certaine curiosité. Et toi qui parais de brosse à relire. C'est un peu Ouais, j'ai été pas mal contacté, même en fait par des collègues suisses par exemple ou belges, de gens qui sont un peu intrigués, qui veulent, qui cherchent un peu à se lancer à tâtons. Beaucoup aussi qui m'ont appelé, qui réalisent qu'en fait ils avaient déjà des gens qui venaient lancer des dés et dans un coin de la bibliothèque et causaient pas trop se montrer. Mon Dieu, ils faisaient du jeu de rôle sans se le savoir. Se pourrait-il soudain que c'était du jeu de rôle ? Mon Dieu. Mais donc c'est pas grave en fait. Et ce genre de choses. Ce qui fait aussi que je pense vraiment qu'il y a une vraie pratique du jeu de rôle, notamment dans des, par exemple, des coins de France où la médiathèque, c'est le vrai endroit, le seul vrai endroit gratuit et libre d'accès, qui était en fait pour beaucoup l'endroit où on pouvait aller faire du jeu de rôle avec ses copains parce qu'il n'y avait pas tellement d'alternatives. Ce qui fait que parfois, j'ai vraiment l'impression d'être un gros parisien, en fait, quand je discute avec... avec des gens en pensant bien sûr, Paris, on découvre le jeu, on fait découvrir le jeu, nous sommes la ville lumière. Et d'avoir des gens tout piteux au téléphone qui m'expliquent désolé que eux, ça fait seulement 15 ans qu'ils font du jeu de rôle, donc si on pouvait leur expliquer comment ça marche, ce serait bien quoi. Donc je pense que Paris là-dessus c'est particulier. Après, il y a aussi beaucoup de collègues qui ont des fonds entiers de livres dont vous êtes le héros, avec des gens qui viennent avoir une pratique mais de jeux de rôle quasi avec à la bibliothèque ou ce genre de choses. Donc à mon avis, il y a plein de niveaux en bibliothèque pour faire du jeu de rôle et de bibliothèque qui le fait déjà sans nécessairement s'en rendre compte. Ouais. Dans les questions que je me pose, qui sont toujours un peu de l'ordre de la médiation et de l'usage, je plaisantais en début de podcast sur le fait que les bibliothécaires disent chut, mais concrètement, ça fait du bruit quand même de jouer. Enfin, vraiment quoi, notamment des jeux un peu amusants, rigolos, où les gens vont se mettre à s'agiter et à rire. Ça se passe comment dans une bibliothèque ? Tant mieux, sinon c'est que tu te fais chier quand même. Mais non, nous on est content qu'il y ait du bruit en fait. Après, je veux dire, il faut que les usages puissent cohabiter. Donc. Si on a un endroit calme à la bibliothèque dans lequel les gens qui veulent du calme peuvent aller et qu'on a un endroit bruyant où les gens qui veulent lancer des dés en mangeant des chips peuvent aller, moi ça me va très bien. Et puis en fait, il faut se dire, nous quand on a des enfants qui restent plusieurs heures à la bibliothèque, qui quand ils ont bouquiné un petit peu, dessiné un petit peu, on ras-le-bol et ne savent plus quoi faire, en fait les jeux, mine de rien, ça a plutôt tendance à atténuer le bruit. C'était vraiment une réponse apportée, la création de ce fonds de jeu à la bibliothèque, à comment occuper les enfants qui sont là et qui de toute manière passeront leur après-midi à la bibliothèque, quelles sont leurs pratiques, etc. Le jeu, ok, très bien. Et en fait, quand les enfants sont autour d'une table, ils peuvent rigoler, faire du bruit un petit peu, mais quelque part ils en font moins que quand ils courent dans tous les sens et tout ça. Donc en fait, ça a plutôt un finalement un rôle de ça canalise les enfants, plutôt le jeu. C'est clair. En plus, pour rebondir là-dessus, rien que le jeu, le fait que bah, pour jouer, il faut être assis et qu'il y a une règle et qu'il y a un enjeu, bah, en fait, ça change totalement le comportement. Et même si c'est bruyant, c'est clair que ça sera 100 fois moins que simplement la vadrouille désespérée de l'ennui dans la bibliothèque. Je rajoute encore. Et ça aussi, le jeu, ça a quand même une valeur assez excellente sur le rapport qu'on va avoir avec, avec les enfants et avec les gens avec qui on joue. Parce que bah, forcément, le rapport, il change complètement quand on a fait une partie de quelque chose avec quelqu'un ou quand on a joué à Street Fighter avec, avec un ado ou avec quelqu'un. Bah, finalement, le rapport, il est différent quand même. Et bah, derrière, ça nous donne au final une connaissance plus fine de ses enfants et tout, de manière individuelle, et c'est plutôt chouette. Dans le jeu, il y a aussi beaucoup, dans un certain nombre de jeux, un certain nombre de références culturelles. Mine de rien, à part des jeux dans les bibliothèques, il y a aussi des livres. Est-ce que vous travaillez le lien entre jeux et littérature? Je vais dire des énormités, mais typiquement l'appel de Cthulhu avec l'œuvre de Lovecraft, ce genre de choses, pour faire quelque part un peu ce que nous on essaye de faire dans l'udologie, à savoir faire se croiser les effluves et voir ce qui peut naître dans la tête des gens qui viendraient pour la littérature qui découvrent le jeu ou l'inverse. Je crois que j'ai une réponse de connard là-dessus. Ah, vas-y. Je déteste ça. En fait, je déteste ces passerelles parce que faire ça bien, je trouve ça extrêmement difficile et réussir à faire une passerelle sans dire qu'on fait une passerelle parce que le contenu A était insuffisant et que donc faut le compléter avec le contenu B, ça demande de faire ça avec une finesse dont je connais peu de gens capables. Mmh. Après, je pense que c'est intéressant quand on est sur une... Bon, non, pour partir dans l'autre sens, si jamais on fait ça avec... quand on veut faire ça, je pense qu'il faut se poser la question, si là, j'étais pas en train de faire du jeu de rôle, est-ce que si j'étais en train de parler, par exemple, d'un polar, est-ce que ça me viendrait spécifiquement, par exemple, d'aller montrer des films de genre policier derrière? Si oui, pourquoi pas? Sinon, et je vais être honnête, à la bibliothèque sera plutôt souvent sinon, bah, je ne le ferai pas. C'est encore cette question de la légitimité culturelle du produit, en fait. Si on peut présenter du jeu de rôle en tant que tel sans avoir besoin de le compléter par un livre derrière, alors c'est que c'est un produit culturel aussi légitime que les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, mais dans ce cas, je pense que je préfère être informel et, par exemple, à la fin de la partie de Lovecraft, dire que bah, en plus c'est cool, potentiellement, telle aventure s'est inspirée de tel bouquin et peut-être même qu'il est dispo. Plutôt que de poser une pile de Lovecraft sur la table en mode bah allez maintenant on se lance. Ouais, mais je pense aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire quelqu'un qui va lire un bouquin de voyage sur je sais pas les Andes par exemple, dire si vous aimez bien les Andes, il y a un jeu sur mobile qui se passe un peu dans cet univers-là, ça pourrait vous plaire esthétiquement. Ça c'est vraiment un croisement dans les deux sens. Et le fait que je te réponde dans le premier sens montre à quel point je suis moi-même biaisé sur la question. Mais tu vois, je pense que c'est un excellent point. Le jour où je serais capable aussi spontanément à quelqu'un qui m'a parlé d'un bouquin lui conseiller un jeu vidéo, dans ce cas, je m'aventurerais à conseiller un bouquin à quelqu'un qui me parle d'un jeu vidéo. Tu as un point de vue peut-être sur la question, Rémi? Oh, exactement, hésitant. Le même, exactement le même. En fait, c'est une question qu'on se pose aussi sur pas mal d'autres choses qu'on fait à la bibliothèque. Alors là, je sors un petit peu du jeu, mais ça illustre assez ça. Par exemple, on fait des ateliers de conversation avec des personnes qui parlent peu le français ou qui sont en apprentissage du français. Et au début, on s'est demandé, bah, voilà, est-ce que si aujourd'hui on parle de... Ben j'en sais rien, de cuisine, est-ce que du coup on en profite pour mettre sur la table tout un lot de bouquins de cuisine? Oui, dans l'absolu, on peut, mais en fait, les gens, ils sont pas là pour des bouquins de cuisine. Les gens, ils sont là pour parler le français et faire un atelier de conversation. Donc, en fait, très vite, on s'est dit, mais non, c'est plus utile. Si la personne derrière, on discute et qu'elle nous dit, hey, où c'est que je peux trouver des informations là-dessus, là, on va l'indiquer les bouquins. Mais la logique, elle est la même dans le sens que bah voilà, cette pratique de venir parler le français à la bibliothèque sur ces temps-là, elle est tout aussi légitime et elle n'a pas forcément à être liée aux collections, qui sont un autre aspect légitime de la bibliothèque, mais qu'on n'est pas tout le temps obligé de lier. Et puis après, comme dit Quentin, c'est aussi une question, bah moi je ne serais pas assez à l'aise ou instinctivement je ne le fais pas ce lien-là avec les gens. Alors garde le micro pendant que tu l'as, c'est quoi les enjeux spécifiques avec les publics non locuteurs français? C'est quoi les enjeux et les avantages de travailler à partir du jeu? Et quel jeu tu utilises dans ce cadre-là? Alors là, pareil, je vais prendre un petit peu des pincettes sur ce que je vais dire. Donc moi et mes collègues qui travaillons avec ces publics-là, on n'est pas professeurs de français, on n'est pas des travailleurs sociaux spécialisés sur ces publics, etc. Donc voilà, donc faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Nous, ce qu'on fait surtout, c'est on va accueillir des associations qui travaillent, eux, spécifiquement avec ces publics pour faire découvrir la bibliothèque, les services qu'on offre, le fait que c'est un endroit chauffé où on peut accéder à des ordinateurs ou à des méthodes de langue si on veut apprendre le français. On fait des ateliers de conversation, des choses comme ça à notre niveau. Et moi, ça a été vraiment sur les ateliers de conversation où, en fait, prendre une thématique et en discuter pendant une heure, généralement, je trouve ça un petit peu compliqué. Alors qu'en fait, le jeu, on pose des règles, y a un aspect très visuel. Et une fois que tout le monde a compris, on peut s'amuser, quel que soit notre niveau de français, sur la plupart des jeux qu'on va utiliser. Donc on va faire des jeux très basiques, on va faire des petits bacs, on va faire des jeux de mimes, des Pictionary, des choses comme ça. On a joué à des jeux avec des... au final, on l'a pas fait encore, mais le jeu où il faut trouver des mêmes images chacun... Double. Le double, on le fait pas mal parce qu'en plus ça fait travailler un peu de vocabulaire. Bref, un jeu où il faut trouver des mêmes images qu'un partenaire, etc., qui est plutôt chouette. Bref, des grave. Petits jeux comme ça, on peut faire du concept, on peut faire du Dixit, ou en tout cas détourner les règles du Dixit, du dessiner des gagnés. Enfin, tout est bon du moment que ça va nous permettre de discuter, d'aborder des choses, de travailler un petit peu le vocabulaire, etc., et qu'il y ait un vrai aspect visuel pour se mettre au niveau de tout le monde et qu'une personne qui parle un peu français mais n'est pas capable de lire ou d'écrire, ne se sente pas en décalage avec les autres et ne profite pas à fond de ce moment-là. Et tu remarques une attention particulière ou une disponibilité particulière du public sur ce genre d'outils par rapport à d'autres choses ou est-ce qu'il y a une différence ? Oui, généralement ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que justement, quel que soit le niveau de la personne, tout le monde peut participer parce qu'il y a des règles, il y a un aspect où... est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon, est-ce que je gagne, est-ce que je perds, enfin voilà, sans que ce soit poussé en mode compétition, il y a quand même quelque chose d'assez immédiat sur savoir est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai répondu juste. Donc ça marche plutôt bien, le jeu en général. Après, on s'est aperçu que ce qui marche quand même bien, c'est si derrière, il y a quelque chose en plus qui va permettre de développer. Donc des jeux un peu basés sur les concepts d'il était une fois ou des choses comme ça, où on va raconter une histoire à plusieurs, marchent particulièrement bien. Et j'aimerais bien à terme qu'on arrive peut-être sur des petits jeux de rôle simples, parce que c'est déjà ce qu'on fait sur des situations du quotidien, sur des choses comme ça. On peut vraiment imaginer des choses un petit peu plus poussées là-dessus. Après, avec toujours la limite d'une séance sur l'autre, on ne sait pas qui sera là. Et il va y avoir des personnes qui sont vraiment des grands débutants en français. Et là aussi, il ne faut pas non plus que ces personnes se sentent complètement mises à l'écart parce qu'elles n'ont pas un niveau suffisant pour bien participer. Mais en général, le jeu marche très bien pour... capter l'attention et derrière en fait limite dériver du jeu pour parler de plein de choses. On va utiliser, alors je sais pas si vous connaissez le Cardline Animals, des choses où il faut classer des animaux par taille ou par poids ou quelque chose comme ça. C'est tout bête, les règles sont très simples, mais derrière on se retrouve à parler des animaux des pays de chacun, des choses comme ça. L'idée c'est que ça soit une porte ouverte vers de la discussion derrière. Et moi qui suis plus à l'aise avec le jeu que la discussion comme ça au débeauté, finalement moi aussi ça me met plus à l'aise pour animer ces séances. Alors Quentin, parlons simple et parlons bien d'un point de vue pratique. Comment ça se passe ? Je suis un citoyen français, j'aimerais savoir où est-ce qu'il y a des bibliothèques qui disposent de jeux dans les environs de chez moi. Je m'y prends comment ? Où est-ce que je trouve ? Où est-ce que je cherche ? Est-ce qu'il faut que je sache ? Et sinon c'est foutu ? Ou est-ce qu'il y a des endroits où on peut apprendre ces informations ? Est-ce que tu es fort en télépathie ? Pas trop. Aucun sortilège sous la main ? Non, rien. T'es mal barré. Okay. T'as une carte que tu peux trouver sur Google avec les bibliothèques qui font du jeu vidéo en bibliothèque, qui s'appelle carte jeu vidéo en bibliothèque sur Google. C'est assez auto-explicatif. Là, on est bien. Avec ça, on est pas mal. Qui est tenu encore bien à jour, normalement. Où là, t'auras donc les bibliothèques qui font du jeu vidéo selon leur degré de pratique. S'il y a des animations de temps en temps, s'il y a un espace dédié ou autre. Avec le jeu de société, c'est encore beaucoup plus compliqué. Aussi parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de bibliothèques qui font du jeu de société sans s'en rendre compte. Parce qu'elles ont mis une table d'échecs, mais que les échecs, c'est pas un jeu. Ou alors que... C'est Monsieur Jourdain, quoi. Voilà. Je n'ai pas ta référence. Le bourgeois gentilhomme. Voilà. Je suis que bibliothécaire, moi. Calmons-nous, s'il te plaît. Il fait de la prose sans le savoir. ou parce que t'as les gens du coin qui viennent faire une partie de Scrabble et qui ne pensent pas que c'est un jeu parce que c'est du Scrabble, hein, ou parce que t'as des enfants qui font des parties de Clash Royale sur leur téléphone mais que c'est pas un jeu parce que c'est sur téléphone. Donc bref, en fait, je pense que t'as du jeu, je vais pas dire dans la moitié des bibliothèques, mais je le pense presque en fait. D'accord. Donc en fait, pour l'instant, c'est encore difficile de savoir. Est-ce qu'il y a des espaces de je sais qu'il y a des espaces de discussion. Je ne sais pas si c'est plutôt orienté bibliothécaire ou public. Je pense notamment à des groupes Facebook, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent moderne du forum. J'ai cru comprendre qu'il s'y passait pas mal de choses, mais j'ai pas suivi de près. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors ouais, c'est vrai que c'est un outil encore très pro, ce qui est dommage, parce que là-dessus, en France, sur la communication des bibliothèques, on n'est quand même pas hyper bon. Et notamment pour communiquer comme ça sur les grands changements de notre métier auprès du public et répéter très fort, très vite que non, on ne pue plus la poussière, venez, aimez-nous, nous on vous aime, s'il vous plaît. On n'est pas très bon pour le faire à un niveau national en fait. Nos congrès, ils s'adressent à des professionnels, notre com s'adresse à des professionnels, nos vies s'adressent à des professionnels. Donc on n'est pas hyper bon. C'est vrai qu'il y a des groupes Facebook, Jeux en bibliothèque par exemple, qui est celui à mon avis qui est le plus intéressant de ce point de vue-là. Enfin, ils sont tous intéressants, mais pour parler d'un truc général. Maintenant, c'est vrai que ça va être de l'échange de veille professionnelle, des bons conseils de création de fonds et compagnie. Ce qui peut être intéressant aussi d'un point de vue, par exemple, d'un usager qui voudrait enrichir sa culture ludique, hein, bien sûr. Ça reste très centré professionnel. Oui, on n'est pas sur un groupe ouvert où les différentes bibliothèques vont mettre des annonces pour parler de nouveaux fonds, de soirées, de moments de rencontre, ce genre de choses. Non, malheureusement pas du tout. Là-dessus, honnêtement, je pense que la communication, plus que beaucoup d'autres, est un des vrais enjeux des bibliothèques de toute façon au XXIe siècle, parce que le nombre de choses incroyables qui se font, qui resteront complètement isolées, dont aucun collègue ne pourra s'inspirer, et qui mourront avec la personne qui a fait ça pendant 2 ans, c'est hallucinant et c'est vraiment une perte intellectuelle hyper sèche dans notre métier. D'un point de vue créateur, donc j'ai bien compris que si on veut avoir des livres, c'est quand même mieux d'avoir un ISBN, mais au-delà de ça, pour des créateurs variés, puisque tout le monde ne passe pas nécessairement par des boutiques, je pense aux créateurs de jeux de société, même si ça reste quand même le modèle majoritaire, aux jeux de rôle, jeux vidéo, j'imagine que c'est encore un petit peu différent, parce que des boutiques de jeux vidéo, il y en a quand même de moins en moins. Comment ça se passe pour se faire repérer, pour se signaler auprès d'un bibliothécaire, peut-être rentrer dans un fonds, il y a des bonnes pratiques à adopter ? Alors, je pense pour le coup que simplement signer qu'on existe et peut-être si le bibliothécaire ne connaît pas, proposer de venir montrer un peu ce qu'on fait, ça marchera très bien. Simplement être très informel et clair sur ce qu'on fait. Nous, par exemple, c'est vrai qu'on est release, donc on a tendance à aller vers les gens. D'ailleurs, Joanne Sipion vient bientôt à la bibliothèque. Félicitations. Faut comprendre que les bibliothécaires, c'est des animaux généralement plutôt gentils et bienveillants dans leur écrasante majorité, qui ont quand même une appétence pour la culture, même si c'est pas la leur. Et je pense vraiment qu'un créateur qui souhaiterait bêta-tester son jeu ou qui souhaiterait même un jeu peut-être un peu confidentiel mais qu'il a créé, venir proposer à la bibliothèque d'animer gracieusement une après-midi de jeu, il trouvera en face de lui des gens absolument ravis de l'intégrer à la vie culturelle de la bibliothèque. Et enfin, tu parlais de questions de droit spécifiques, alors notamment pour du prêt. Comment ça se passe d'un point de vue droit ? J'y connais rien du tout. Est-ce qu'il y a des trucs alors, aussi c'est parti pour l'apnée du droit de prêt français ou non ? Alors non. La version maintenant, courte. En France, pour tous les médiums normalement, il y a des droits de prêt qui sont négociés, qui soulèvent des droits de prêt, des droits de consultation, ce qui explique par exemple que nous, un DVD qui coûte 30 euros dans le commerce, on va l'acheter 100 balles. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de DVD qui coûtent 30 euros dans le commerce, je suis désolé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté un DVD. Maintenant, oui, navré. Ça, tu me fais le coup du ticket de métro à la Bourdin. Exactement, hein. c'est mon côté Jean-Jacques Bourdin. Non, plus sérieusement, nous, on paye du coup sur les DVD, donc des droits très spécifiques qui sont liés au milieu des bibliothèques et qui fait qu'on a le droit de librement de prêter le document, ainsi de suite. Pour les jeux vidéo, par exemple, c'est pas négocié parce que ces droits de prêt ils pourraient être payés, ils existent. Je veux dire, il y a moyen d'acheter des droits de prêt, mais les éditeurs de jeux vidéo, ils s'en foutent un peu en fait. C'est-à-dire que les quelques tentatives qui ont été faites par des collègues de contacter genre Ubisoft pour leur demander s'ils pouvaient payer le jeu 90 boules au lieu de 60, mais un exemplaire du jeu pour leur bibliothèque, c'est toujours resté lettre morte, ça n'a jamais randonné dessus. Il n'y a pas cette culture-là, quoi. Non, pas vraiment. Parce que, encore, dans les bibliothèques, les éditeurs, ils ne savent pas qu'on existe, ils ne savent pas qu'on utilise leur jeu, ils s'en foutent un peu, et c'est logique, on n'est pas encore très nombreux. Donc c'est aussi à nous là-dessus d'être beaucoup plus vocaux et bruyants sur ce qu'on fait. Il y a eu des tentatives qui ont été faites par des distributeurs, vous n'êtes pas gentils les gars, de négocier des droits de prêt auprès des bibliothèques qu'ils ne possèdent pas, c'est-à-dire que ta boutique de jeux vidéo du coin va te vendre le jeu 120 balles en te disant que ouais, si, nous on a les droits, il n'y a pas de souci, en sachant que certaines bibliothèques ont fait le choix conscient et qui est à mon avis respectable de jouer le jeu quand même pour éventuellement pouvoir se retourner un jour contre le distributeur si jamais le coup près devait tomber. Donc il y a des stratégies qui sont mises en place là-dessus, ça pose des problèmes légaux. On a tendance à parler avec le jeu vidéo d'un flou juridique. Il n'y a pas de flou juridique, c'est juste pas légal de faire du jeu vidéo en bibliothèque. Donc il y a une forme de, j'allais dire, de tolérance qui est à mon avis beaucoup liée à la méconnaissance. C'est le Far West quoi. Mais on est un peu chacun, je dirais, dans nos cœurs de bibliothécaires, avant tout des brigands au grand cœur. C'est beau. J'ai quelques dernières questions. On arrive à 3/4 de podcast. Selon vous, on l'a déjà un peu évoqué par touche, hein, mais s'il fallait regrouper tout ça, qu'est-ce qui explique le retour du jeu en bibliothèque aujourd'hui, ou en tout cas l'arrivée massive du jeu en bibliothèque depuis, allez, on va être sympa, une quinzaine d'années, et le développement fort comme ça, c'est quoi? C'est la mort des ludothèques, c'est le besoin de renouveler le métier, c'est l'évolution et la légitimation culturelle progressive des jeux, c'est quoi? En partie, parce que je pense que sur les jeux de société, par exemple, il y a une offre de jeux de société maintenant un peu apéro, un peu plus grand public. Qui n'existait pas avant ou qui existait dans des jeux qui n'étaient pas des jeux. Je pense au Monopoly, par exemple, que tous ceux qui s'amusent en jouant au Monopoly lèvent la main. Là, maintenant, on a des jeux qui me semblent hyper adaptés, par exemple, à une bibliothèque, qui sont des jeux courts, sympas, avec des vrais jeux, même de règles, avec des enjeux, qui jouent en 30 minutes, qui sont destinés à tous les publics et qui marchent très bien. Donc déjà, je pense qu'au niveau des supports et de la disponibilité des jeux, ça, il y a un gain. Après, je pense que culturellement aussi, on commence à être des générations de gens dont les parents ont joué. C'est-à-dire que la représentation qu'on a du jeu, c'est quand même vachement moins sale que pour l'époque de nos parents, où bah, c'était soit les boulistes qui avaient pris un petit Ricard au bar du coin, ou ces gens un peu étranges qui font des wargames et qui s'enferment dans des caves avec des figurines. La logique cave est très présentée dans cette émission. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, je pense qu'on est une génération de bibliothécaires aussi, je nous lance quelques lauriers, qui sont vachement sensibles. Pas pour dire que les gens l'étaient pas avant, mais on l'est sur d'autres choses, sur des questions de légitimité culturelle des gens à venir dans la bibliothèque et sur la manière dont faire en sorte que le lieu devienne un espace de convivialité. Et que le jeu, ça semble une réponse hyper évidente, donc il serait très bête de se priver dans tous nos possibles. Oui, je rejoins Quentin complètement sur ces explications, et notamment sur le fait, voilà, ça suit une évolution assez logique des bibliothèques vers celle d'un lieu de vie où on peut avoir des pratiques très très multiples. Quand il y a des études qui sont demandées aux gens sur qu'est-ce qu'ils attendent d'un lieu culturel aujourd'hui, généralement, ils vont mettre plein de pratiques dedans. Celle d'avoir des livres et de les emprunter, ça n'en est qu'une. Parmi tout le reste, il va y avoir vraiment le jeu, un endroit de discussion, plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance quand même pour les bibliothèques est d'arriver vers ce type de lieu-là, où on peut avoir plein de pratiques différentes. Alors j'ai une dernière question, c'est la dernière question traditionnelle de cette saison 4 de Ludologie. On la pose à tous les invités, donc je vous la poserai chacun votre tour. Vous souriez, mais je ne sais pas si vous la connaissez déjà. On demande aux gens, quel est votre plaisir coupable en jeu? Rémi, tu as le micro, donc je vais te laisser commencer. C'est quoi ton plaisir coupable en tant que joueur? Mon plaisir coupable en tant que joueur, moi, c'est miser trop gros. Non, clairement, j'adore les jeux de dés et j'adore être gourmand sur les jeux de dés. Généralement, c'est pour ça que je joue pas aux jeux d'argent. parce que vraiment, mon plaisir coupable, c'est ça. Et encore plus que ça, mon plaisir de coupable, c'est pousser les joueurs à vouloir jouer trop gros. Vraiment. Quitte à perdre pour en arriver là, mais... ouais. Quentin, tu prends un air navré, je pense que ça va être un peu honteux. Le moment où on se lève à 2h du matin, on n'a pas sommeil, on va sur son PC et on commence à rédiger 6 pages de background sur un vague NPC d'une partie de jeu de rôle que les joueurs vont sans doute buter à 3 secondes NPC, après. NPC, non-player character, personnage non-joueur pour nos auditeurs non familiers. Que les joueurs vont sans doute buter dès que tu auras dit bonjour avec parce qu'ils voudront lui faire les poches. Mais toi, tu auras quand même écrit les 6 pages de background autour et tu sais qu'il avait une grande âme, un grand cœur et ça te donnera plein de papillons dans le ventre. D'accord, donc écrire beaucoup trop sur ces personnages non-joueurs, c'est ça ? Et surtout des trucs qui serviront jamais à rien. Évidemment, évidemment, c'est les meilleurs moments. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir participé à ce numéro de Ludologie, donc, où nous avons parlé du jeu dans les bibliothèques. J'espère que vous en tirerez des informations précieuses. N'hésitez pas à vous rendre, si vous êtes sur Paris, à la bibliothèque Louise Michel, pour en discuter directement avec les bibliothécaires, parce que manifestement, ce sont des animaux sociaux, c'est eux qui l'ont. En tout cas, nous on se retrouve d'ici une quinzaine de jours, ce qui vous laisse quand même pas mal de temps pour continuer à jouer, que ce soit sur console, sur mobile, autour d'une table, devant un plateau ou derrière un écran. Bonne soirée.